Camille. Salut Charlie. Je suis inquiète, Je n'y connais rien en vélo. T'inquiète, j'ai tout bossé. Je vais lui parler de Bahamontes, de Rick Von Laan, de Yann Janssen, de Pino Cerami. Oh là là, oh là là, ça va être énorme. Tu veux lui parler d'Anctil? Mais c'est convenu de lui parler d'Anctil. Moi, je suis un journaliste pointu, moi. Ah bon? Je vais lui parler de la montée du ballon d'Alsace. Ah, c'est vrai que c'est toujours sympa de boire un petit verre de Giver Straminer. Un ballon d'Alsace, tu dis. Mais c'est un col, le bas, mais bien sûr. Et alors, il l'a gravi, le col du fémur? Mais si c'est pour faire des vannes comme ça, non. Tu veux lui parler des dimanches? Mais tout le monde lui parle de merde. Je vais lui parler de Gimondi, de Pinjon. Alex, c'est insupportable. Mais ouais, on dirait que t'es le Pascal Sevran du vélo, là. Tu cites que des inconnus. Des inconnus? Ah bah ouais, ouais, aujourd'hui les jeunes, je suis désolé, ils connaissent pas tout ça. Mais ils connaissent qui les jeunes? Ils connaissent Kev Adams. Ah bah bah bah bah, j'aimerais qu'on se moque pas trop de Kev Adams. D'accord. Qui le défend? Je le défends, j'ai joué dans sa salle et je suis en phase avec lui sur pas mal de choses. Chaque fois, tu joueras dans le gymnase Louison Bobet, comme ça tu seras en phase avec lui. Mais je connais aucun sketch de ce Louison machin. Moi non plus, hein. Laissez tomber, laissez tomber. Toi, tu laisses tomber Kev Adams. Très bien, continue à jouer dans des salles qui portent son nom, tu seras toujours derrière. Ouais, t'es en train de me dire que je suis le pouli d'or du rire, c'est ça? Ah non! Ah bah si, tu l'as dit! Ah non! Toi, tu es le Anatole Novak du rire. On sait même pas qui c'est. Si, c'est la lanterne rouge du Tour 64, l'année où Pouli d'or fait deuxième. Je connais même le dernier du Tour. J'ai bossé, je suis un gagnant, je suis le Pouli d'or de cette émission. Silence! Quoi? On bosse, hein. Vous allez voir, c'est qui le Jacques Anquetil de cette émission? France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui vote plusieurs fois et sous plusieurs adresses à tous les référendums de la Terre. Et voici les trois informations dont on va usurper l'identité jusqu'à 18h. Aujourd'hui, c'est jour de grandes conférences sociales et de dialogue avec les syndicats, sauf la CGT. C'est un petit peu le synode sur la famille sociale. On se calme, on se calme. On ne résout pas les problèmes par la violence. On n'est pas chez les sauvages. Quelles sont les écoles dont le diplôme offre des débouchés? Eh bien, c'est simple, ce sont les écoles qui vous coûtent un bras. Comme les écoles de commerce, par exemple. Vous risquez de finir manchot, mais avec un boulot. Ces études, ça coûte vachement cher. Et encore, moi je faisais gaffe, j'étais un de ceux qui étudiaient le moins. Indigne, humilié, écrasé, le champ lexical de la défaite est vaste comme un terrain de rugby. Le français n'est jamais tendre dans la défaite. Alors maintenant, pompe pour tout le monde. Et vous allez me retirer ces brochings de petits pédés. Et pour m'accompagner, voici celui qui préfère la petite reine. Surtout quand elle lui promet un plaquage au sol. C'est Alex Vizorek. Et oui, j'ai mis le gros braquet aujourd'hui, Charline. Bonjour. Allez. Et aujourd'hui, que des hommes autour de vous. Vous êtes la grande gagnante de cette journée. À 17h20, celui qui doit être atteint d'une forme particulière d'Alzheimer précoce, puisque quand on lui donne un thème pour sa chronique, il semble l'oublier très rapidement, nous revient avec toute autre chose qu'il semble redécouvrir en le lisant lui-même. Mais c'est pour ça qu'on aime les malades. Bonjour Hippolyte Girardot. Bonjour Alex. Comment ça va? De quoi on va parler? Eh ben, en fait, des bonbons. Voilà, évidemment. Ah oui, c'est logique. Et je dis à l'auditeur, nous ne lui avons pas proposé ce sujet. À 17h30, il nous revient de Nantes, où il n'a pas résolu le problème de la capitale de la Bretagne, mais c'est vraiment le seul problème qu'il n'a pas su résoudre. C'est Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Moi, je me suis intéressé, évidemment, au référendum d'Union de la Gauche, organisé ce week-end par le Parti Socialiste, avec cette question sous-jacente. Quel est le point commun entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon? Ça finit en on. Voilà, l'union, l'union est en route. C'est pour tué enfin à 17h40. Lui, ce n'est pas le petit braquet, non, lui, c'est le grand braquage, puisque chaque semaine, il nous fait croire qu'il y connaît quelque chose en sport. Voilà. C'est Samir Bouadi. Bah ouais, bah moi, je ne vais pas vous parler de rugby, de haine et de défaite, je ne vais pas vous parler de foot, je vais vous parler de volley, de rap et d'un certain Erwin N. Gapet. Très bien. De Gapet, donc vous allez nous parler. Oui. Après, on est impatients, d'accord. Allez, nous sommes accompagnés d'un référent de la République qui vient présider cette émission. Vous êtes né sur Albert Lebrun, c'était hier. Vous participez pour la première fois au Tour de France en 62. Et tandis que vous grimpez les cols en danseuse, Chubby Checker chante « Let's Twist Again ». Vous affrontez Jacques Anquetil lors d'un duel historique sur les pentes du Puy-de-Dôme en 64, c'est l'année de naissance de la CFDT. Vous participez à votre dernier Tour de France en tant que coureur en 76, quand Spaggiari réalise le casse du siècle, bien avant Lance Armstrong. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes nous-mêmes. On n'en revient pas dans ce studio. Vous êtes... Raymond Poulidor. Oh, c'est Poupou est avec nous. Sur France Inter, Charline Van Nacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Raymond Poulidor, mais l'écrivain alors aujourd'hui, qu'est-ce que... C'est pour un livre que vous venez aujourd'hui, Raymond Poulidor, champion paru au Cherche Midi. Alex Vizorek s'est plongé dedans, mais corps et âme. Mais oui, alors déjà, vous avez parlé de Chubby Checker, tout ça, on se plonge dans une autre époque évidemment, et c'est... passionnant pour tout qui aime le vélo et pour tout qui aime cette époque-là, cette passion, cette ferveur envers le sport. Alors, je voudrais juste commencer par cette première phrase parce que vous êtes encore modeste. Vous dites « Je suis content parce que j'ai approché des stars de tous les horizons, de tous les milieux, des écrivains, des comédiens, des chanteurs, des géants du sport, de la politique. J'ai fait du vélo avec Dalida. J'ai joué au poker avec le mari d'Annie Cordy. » En fait, vous êtes plus content d'être entré dans ce monde alors que c'est vous la légende, Raymond Poulidor. Oui, bien sûr. Là, vous parlez de poker. Là, je jouais au poker pendant que je... quand je faisais le Tour de France avec la télévision. Alors, on jouait tous les soirs, on jouait au poker. Je me souviens, j'ai des souvenirs énormes, puisque Annie Cordy faisait le spectacle. Elle faisait le spectacle à Europe numéro 1. Ah, on ne connaît pas, c'est une petite radio Oui, c'est une petite radio. Et on jouait au poker avec Bruno, son mari, et Annie Cordy venait nous rejoindre vers minuit, 1h du matin. Elle n'allait pas au lit avant avec sans son Bruno. C'est-à-dire, elle dormait sur la chaise jusqu'à 4-5 heures du matin. C'est des souvenirs. C'est rigolo parce que vous en parlez comme si vous êtes content vous-même d'avoir appartenu à cette époque, alors que c'est vous qui l'avez faite. Bah quand même, il connaît Annie Cordy. C'est ça qui est dingue. Ça fait Annie Cordy, elle dit, moi j'étais à côté de Poulidor, non? Vous vous rendez compte de ce que vous représentez aujourd'hui pour la France? Oui, bien sûr. Et puis, j'ai d'autres souvenirs. Un de mes plus grands souvenirs, enfin, j'ai un souvenir énorme, c'est d'avoir eu l'occasion de déjeuner avec Salvador Dali. Qui m'avait demandé, qui voulait partager sa table avec moi. Aimait le sport? Oui, il aimait le sport, puisque j'ai appris plus tard... Il avait fait de la publicité pour les chocolats, l'envers, cette fameuse phrase. Et il avait employé les mêmes propos à l'occasion du Tour de France. Il avait dit, moi je suis fou du Tour de France. Et c'est pour cette occasion, j'avais été surpris qu'il m'avait invité. Et puis une autre invitation que j'ai eu l'honneur de partager un repas en tête à tête avec Maître Vergès. Des personnages exceptionnels. On ne pouvait rien dire. Bon, il y a le binôme, évidemment, dont on est obligé de parler, mais je voudrais vous faire raconter une anecdote qui est à la fin du livre. C'est vous et Anquetil, mais quand il vient dans votre chambre, alors que lui a arrêté le vélo, il est encore sur le tour, mais il vient vous voir, vous continuez à courir, il vient vous demander quelque chose pour sa fille. Il m'a demandé plusieurs choses. C'est en 74. Les deux, il avait arrêté le vélo en 69. Moi, j'ai continué ma carrière, j'ai arrêté en 77. Et en 74, il est venu de ma chambre, il m'a dit, tu sais, je suis un de tes plus fervents supporters et j'aimerais que tu gagnes ce Tour de France en 74. J'ai dit, tiens, c'est drôle quand même. Alors, j'ai réfléchi un peu, puisqu'il m'arrive quand même de réfléchir. J'ai réfléchi un peu, j'ai dit, tiens, mais pourquoi il me dit ça? Merckx avait déjà gagné 4 Tours de France. Et il était en train de gagner son 5e tour. Et oui. Et Anquetil, c'était le seul qui avait gagné 5 Tours de France. Non, mais surtout, quand il vous demande... Oui, j'en reviens là. Oui. Je m'excuse d'avoir employé ses propos. Il vient dans la chambre, il me dit, tu continues à m'emmerder. Excusez-moi. Vous tu continues à m'emmerder, tu te rends compte, ma fille, elle veut une casquette de poupou. Et quand tu parles qu'elle était sur la route, elle encourageait comme tous les gamins. Et tous les gamins de 2 ans, ils criaient, vas-y poupou, vas-y poupou. Il dit, tu te rends compte, ma fille a dit poupou avant papa. Et elle ne sait même pas vraiment que son père était coureur cycliste, elle s'en fiche. Non, pas du tout. Bien sûr, c'est ça. Et dans tout le livre, c'est plein de ces anecdotes-là. Et puis évidemment, il y a l'anecdote difficile, on est sur France Inter, donc je vous en parle. En 64, vous pensez avoir gagné le tour, et c'est un journaliste de cette antenne qui vient... vous dire qu'en fait, non. Mais on aime bien faire des blagues, nous. Oui, c'est Daniel. Et vous lui en voulez? Non, je lui en veux. Parce que c'est quand même 5 minutes folles dans votre vie, c'est-à-dire qu'on vous annonce que vous avez gagné. Il y avait eu une erreur sur les départs du contre-la-montre. Et on n'avait pas pensé qu'on partait de 2 en 2 minutes, alors on avait dit on part de 3 en 3 minutes, et le départ avait été de 2 en 2 minutes, comme l'étape était courte, et ce qui est, à l'arrivée, on m'a annoncé, t'es vainqueur du tour, voilà. Et donc Daniel Potra vient vous dire que c'est pas pour ce coup-ci. On s'excuse au nom de tout France Inter. Mais c'est la réalité. Oui, bien sûr. Bon, je vous ai laissé entre hommes, mais ça va changer. Hein. Ah, oui. Allez, un petit bachung, et puis je reviens dans le jeu. Dans la route Poupou. Ah ben là, dès qu'on est spécialiste... Volute par ton fumée, volute fond des nuées de scrupules, partent en fumée vers des flux enchantés et des cruelles espérances me lancent des dagues et des lances en toute innocence. Je cloue des clous sur des nuages, un marteau au fond du garage. Je cloue des clous sur des nuages sans échafaudage. Volutes partent en fumée sous les yeux embués d'étranges libellules. Pas une grimace et un rictus de plus. Je fais deux heures sur. Je m'en donne de la peine. Je cogite, je m'agite, je rejoue la scène. Je cloue des clous sur des nuages, un marteau au fond du garage. Je cloue des clous sur des nuages sans échafaudage. À des lunes surdouées, aux courbes souveraines, pleines, pleines. Volutes partent en fumée, sous les soleils qui s'ignorent, dors, dormir, mes réponses allongées. Mais que dire, mais que faire, mais comment ça tient l'air? Ces deux hémisphères, par quel mystère. Je cloue des clous sur des nuages, un marteau au fond du garage. Je cloue des clous sur des nuages sans échafaudage. Les volutes de Bachung et le 45 tours a été posé sur la platine par Loïc Frapsos en régie aujourd'hui. Et le peloton de cette émission est composé de Guillaume Meurice, de Samir Bouadi, d'Hippolyte Girardot et évidemment à celui qui risque de s'échapper, c'est Raymond Poulidor. Raymond Poulidor qui publie au Cherche Midi un ouvrage intitulé Champion. Champion, champion. Bah oui. On se replonge dans tous vos souvenirs, Raymond Poulidor. On aura l'occasion d'y revenir tout au long de cette émission, bien sûr. Mais en attendant, il y a un moment qui est quand même important. C'est le moment où on informe la France. Évidemment, tout le monde attend ça. Évidemment, tout le monde, évidemment. C'est parti. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Référendum sur l'union de la gauche. Et c'est la gauche qui a gagné. C'est probablement la dernière fois avant un bon bout de temps. Francis Lalanne prépare une visite en Australie dans le cadre de son cybertour. Il va aller à la rencontre des aborigènes. En revanche, il a également prévu de revenir en France après. Et il sera avec nous pour en parler. Il est entré dans ce studio, Francis. Et aussi des brèves, parce que c'est toujours moins long que des chansons de Francis. Le référendum sur l'union de la gauche. Jean-Christophe Cambadélis se félicite du nombre de votants, 250 000 voix. Donc le type qui se félicite des résultats du vote, c'est le même qui annonce qu'il va porter plainte pour faux usage de faux pendant le vote. C'est ça. Ouais, c'est un petit peu comme si le comité d'éthique de la FIFA avait félicité Sepp Blatter pour sa réélection. Mais le tout dans un seul corps, hein, celui de Cambadélis. Ah, c'est ça. Et combien vous avez dit qu'il y avait eu de voix pour le référendum? 250 000 voix. Voilà. Et combien de votants alors? 12. 12, d'accord. Alors, et les votants pouvaient donc aller sur Internet. Le problème, c'est que je l'ai vérifié, quand on tape union sur Google, eh bien, on tombe plus vite sur des sites de rencontres que sur des sites de vote, malheureusement. Donc, pour résumer ce week-end, voilà. Tout le monde a été gagnant. Cambadélis est heureux. Voilà. Et les électeurs de gauche se sont trouvés un conjoint sur Mythique. Exactement. On va passer à droite. Nous n'avions pas encore parlé du livre de Silvio Berlusconi. Oui, il vient d'écrire un livre qui dénonce et qui étrit notamment Nicolas Sarkozy. Un livre qui s'appelle Grazie per il momento, non ? Non, il s'appelle My Way. Et il est rempli de révélations fortes telles que, je le cite, Sarkozy aime l'argent. Non. Si, ça, c'est énorme. Bon, il y a aussi les Italiens aiment les spaghettis et l'eau ça mouille. C'est fort, il faut absolument se procurer ce livre. FIFA, Michel Platini admet ne pas avoir signé de contrat pour le versement de 1,8 million d'euros versé par Sepp Blatter. Oui, d'après Platini, selon le droit suisse, c'est légal de faire un contrat oral. En même temps, 1,8 million en Suisse, on appelle ça un pourboire. Culture à présent, hier dans le journal du dimanche, on pouvait lire que Francis Lalanne poursuit son cyber-tour pour rencontrer des artistes issus de minorités. Exactement, après le Groenland, où il y a rencontré des Esquimaux, c'est véridique, il se rendra en Australie pour y rencontrer des aborigènes. Et entre deux avions, nous avons la chance, il est là, de l'avoir. Oui. Bonjour Francis. Bonjour, bonjour à tous. Je vous aime beaucoup, même si je sais que c'est pas réciproque. Ah non, ça pas dans cette émission, on vous adore. Oui, beaucoup. Parlez-nous plutôt de ce voyage au Groenland. Oui, en fait, le plus simple, je vais vous le chanter parce que je leur ai écrit une chanson d'hommage. Voilà. Que tu es beau, que tu es beau, l'Esquimau. Même si ta banque se prend l'eau, fais-moi plein de bisous, des bisous Esquimau. C'est très beau, Francis, très beau. Merci, ça vient des tripes. Bah oui, on sent bien que ça vient pas de la plume. Et donc, demain, c'est direction l'Australie. Alors. Oui, l'Australie, et vous savez quoi, je leur ai écrit une chanson. Déjà. Une chanson d'hommage. Voilà. Tu me fais la peine, tu me fais la peine quand même. Oh, toi l'aborigène, c'est beau, embrasse-moi sans détour, qu'importe ton haleine. C'est beau, Francis. Ouais, ça va merci, leur plaire, merci, ça. Merci, ouais. Merci. L'haleine, j'étais pas sûr de la rime. Non, mais c'est difficile, une rime en haleine. C'est pas facile. Non. Dès que j'ai convaincu l'aborigène, je me rendrai en Nouvelle-Guinée pour voir les papous. Et j'imagine que là aussi. Oui. Comment vous avez. Je sentais un peu. Ouais, exact. Une chanson en hommage des papous. Reste avec nous, le papou. Même si ce monde est fou. Fais-moi plein de papouilles, la spécialité papouille. Merci Francis, merci beaucoup. Ouais, merci. Et après, c'est pas fini, parce qu'après j'irai à la rencontre des Maasai, des Dogons, des Pygmées, et j'ai déjà des chansons. Non à mais écouter. Ça va aller, en tout cas est-ce qu'on pourra retrouver toutes ces chansons d'hommage sur un disque? Oui bien sûr, ça sortira en 2016, le 11 septembre. Ah, c'est un bon jour pour les catastrophes, et le titre de l'album? Le titre de l'album c'est Dommage. Oui, et c'est un bon titre pour cet album, merci Francis. Merci beaucoup. Voilà, une bonne page culturelle pour terminer un journal d'information. Oui, c'est bien, c'est ça, l'invité. C'est la méthode France Inter. Nous sommes toujours avec Raymond Poulidor. C'est mou, hein. Le prendre avec vous sur le prochain Tour de France pour pas vous ennuyer, parce que je sais que vous jouez aux cartes avec Annie Cordy, mais vous pourriez. Ah non, pas avec Annie Cordy. Ah non, avec le mari d'Annie Cordy. Elle est veille. J'ai écrit une chanson pour Raymond Poulidor. Raymond. Non, pardon. Vous êtes bien sur France Inter. Avec Raymond Poulidor, qui publie un livre au Cherche Midi, Champion. On va avoir l'occasion d'en parler. On a trouvé un lien avec le premier sujet d'actualité, Raymond Poulidor. En ce jour de grande conférence sociale, où les partenaires doivent tenter de renouer le dialogue qui s'est délité, alors que les syndicats qu'on appelle les corps intermédiaires, ou les grands corps intermédiaires malades, sont tous présents, sauf la CGT. La contestation est née du capital. Elle est engendrée par le capital. Le capital est donc plus important que la contestation. Car la contestation ne vit pas de ce qu'elle conteste, alors que le capital vit de sa contestation. Je vais vous rassurer tout de suite, les autres ne comprennent pas non plus. Voilà. Le capital et la contestation sont donc réunis aujourd'hui en conférence, autour de, notamment de François Hollande et de trois ministres. Alors, tout le monde a un patron dans la vie. Vous, Raymond Poulidor, même les sportifs, vous avez eu des patrons. Qui ont été vos patrons, finalement? J'ai eu des patrons pendant 18 ans. Ouais, 18 ans, j'étais... Mercier, qui était une grande industrie de cycle, qui était basée à Saint-Étienne, puisque vous savez que Saint-Étienne, c'était la base du cycle, le cycle, l'armement. C'est ça que vous n'avez eu que le maillot vert, alors, machine à coudre. Machine à coudre. Là, tout à l'heure, vous avez parlé de la CGT, là. Le 14 de ce mois, j'ai donné le départ d'une grande manifestation de la CGT. C'était des cyclistes. Ouais. Grande manifestation, ils étaient 55 au départ, quand même. Pédale c'était beaucoup, une... la CGT, en plus. Oui, oui, grande, grande. Faut le rappeler, ça. Alors, je suis arrivé là, bon, je croyais avoir un drapeau normal pour donner le départ d'une grande épreuve cycliste. Bon, j'avais un grand drapeau, CGT et tout. Il y avait plus de photographes qu'au Tour de France. J'étais surpris. Bah, Raymond Plouidin avec un drapeau de la CGT, c'est... J'ai vu que j'avais eu la une sur le populaire. Poulidor, la CGT. Ah bah ça, à Luma, ils ont fait un arrêt cardiaque. Moi, j'ai un lien vraiment avec les syndicats parce que vous êtes un des premiers à avoir subi un contrôle antidopage. Et vous vous dites, bon, bah, c'est assez normal, on va l'accepter. Sauf que le reste du peloton est très fâché et se met en grève. C'est Anctil, d'ailleurs, qui trouve que c'est scandaleux de venir vous chercher si tôt, de vous réveiller et de vous piquer. Là, il y a eu vraiment un mouvement syndical des coureurs sur le Tour. Mais il n'était pas impliqué, c'est bien sûr, c'est mais moi le seul qui ai eu le d'accord, contrôle. D'accord, mais il était fâché, il y a eu rébellion de tous les coureurs. C'est-à-dire, oui, on a le peloton a manifesté au départ de lendemain de l'épreuve de l'étape. On est en quelle année là un peu ? On est en 66. Mm-hmm. 66, puisque c'est l'année d'après, c'est le drame qui s'est produit dans le Mont Ventoux avec Tom Simpson. Mm-hmm. On est en 66 et le lendemain, les coureurs, on a fait grève de 10 minutes. Petite grève. On peut dire que globalement, le dialogue social était apaisé chez vous. C'est pas comme en ce moment. Hippolyte Girardot, apaisez-nous aussi. Apaisez-nous ce dialogue social avec un monologue, par exemple. Oui, un petit monologue que je vais faire. Parce que l'autre jour, je marchais dans la rue sans parler au téléphone, parce que je sais que je m'embarque des fois dans une conversation. Avec Georges, non. Je voulais pas m'embarquer dans une conversation où on me reprocherait, malgré mes convictions, d'avoir finalement cédé aux sirènes de Uber un jour de grève des taxis. Discussion dans laquelle, en général, je me jette avec un volume de concert d'ACDC, une gestuelle de All Black et un débit de commentateur brésilien. Donc, je me promène donc plutôt le nez au vent, le regard sur mes prochains, mes frères. Mes semblables, hélas. Et donc, une jeune mère de famille, dont j'imaginais que l'écharpe jaune, les baskets violettes et la veste en nylon bleu se voulaient une insulte à la grisaille du temps et non pas le résultat d'un shopping inévitable, ramenait ses deux enfants de l'école. Les deux garçons se disputaient à coups « Je vais m'acheter un paquet, moi ». Et l'autre, moi aussi je vais prendre un paquet. Non, toi t'as pas assez d'argent. Si j'ai de l'argent, pas assez. Oui, j'en ai assez. Montre-moi ton argent. Et le v'là qui s'approche de son frère, qui lui ouvre en toute confiance sa main, le met, et lui se met à compter les pièces. Fait une grimace genre, je peux pas le faire à la radio, mais en genre, pauvre vieux, voilà, par exemple. Et il le regarde méprisant comme un DRH qui pense avoir une chemise en téflon. Non, tu n'as pas assez, regarde-moi combien j'ai, moi. Et il se met à compter à toute blinde son cash à lui, signe qu'il l'avait déjà compté plusieurs fois, et le regarde comme un type qui, par exemple, a réussi son référendum et qui est trop content de lui. Je te l'avais dit, t'as pas assez. Son frère se retenait de pleurer, se retournait vers sa mère, qui, elle, était dans une conversation au téléphone et faisait ce geste que je fais là très bien à la radio, mais vous voyez pas, mais ça veut dire me dérange pas. Mais quand on dit je me dérange pas, on peut le dire me dérange pas, ou bien alors s'il te plaît me dérange pas, ou bien si tu me déranges, bon enfin bref. Elle lui dit « me dérange pas ». Bon, bref. Et donc, le môme se sent tout seul, abandonné, haineux envers ce frère qui va aller s'acheter un paquet de bonbons, fier comme un voleur de caoutchouc cambodgien pénétrant pour la première fois dans sa chaîne de télévision qui vient de s'offrir. J'ai envie de dire au petit, tu sais, les bonbons hein, sont pleins de perturbateurs endocriniens. Ton frère sera obèse, risquera d'être stérile, aura l'écart anogénital réduit au point critique. Donc moi, je le regarde avec attendrissement, ce gosse avec empathie, avec fraternité, celui que son frère snob, que sa mère éloigne, ma pitié dégoûtée. Goulinante doit lui avoir versé de l'acide dans l'oreille, car il se retourne, me jette un regard kalachnikov. Ah bon, on disait regard revolver, mais un peu trop céréales bio, donc on a arrêté. Je comprends, crétin que je suis, aveugle que je deviens, ce garçon évidemment, est le cadet. Le deuxième. Pourquoi les deuxièmes attirent notre sympathie, alors que les premiers de la classe nous agacent, nous exaspèrent? Regardez la joie intime que nous avons eue quand Das Auto, le Kaiser de l'automobile, est tombé pour tricherie. C'est pas vrai? On se disait peut-être, les pauvres. Non, sûrement pas. On se disait, bien fait pour leur gueule. Das Auto, et puis quoi encore? Et les autres constructeurs, ils font quoi? Des trottinettes peut-être? Das Auto, pourquoi pas? Les Républicains, pour un parti politique, hein, comme si les autres ne l'étaient pas. Enfin oui, pas tous, c'est vrai, mais bon, ça c'est un détail. Nous, On aime le deuxième. Il nous réconcilie avec nous-mêmes. Il nous apprend à rater la première place en foot, en politique étrangère et fiscale, en rugby à 13 et à 15, en innovation artistique. Le deuxième nous apaise de nos angoisses psychologiques, de notre quête d'un pénis plus gros, de seins plus attractifs, de notre déception de ne pas être premier. Le deuxième empêche le premier d'être unique, d'être seul, ce qui évidemment lui enlève sa place de premier. Car sans deuxième, pas de premier. Moi, je sais de quoi je parle. Dans ma fratrie, c'est moi le premier. Je suis l'aîné. Donc, merci Raymond. Grâce à vous, à votre constance, j'ai acheté des bonbons à mon frère. Hippolyte Girardot, l'hommage à Raymond Poulidor, notre invité jusque 18h. On n'en croit pas nos yeux. On peut vous toucher pour être sûr que c'est vous. Samir Boisdi, vous êtes à côté. C'est Raymond Poulidor avec nous jusqu'à 18h. J'ai regardé la mer, j'ai tant voyagé, j'ai guetté l'aube claire, mais j'ai tout abîmé, j'ai tout abîmé. J'ai regardé la terre, j'ai tant voyagé, j'ai repris tout à l'envers, mais j'ai tout abîmé, j'ai tout abîmé. Je n'ai pas choisi, maintenant je m'y perds. Je n'ai pas saisi, maintenant c'est l'hiver. Still hold on, rest on the island. I'm gonna make it, I'm gonna stay alive. J'ai regardé la mer, j'ai tant voyagé, j'ai guetté l'aube claire, mais j'ai tout abîmé, j'ai tout abîmé. Je n'ai pas choisi, maintenant je m'y perds. Je n'ai pas saisi, maintenant c'est l'hiver. I'm gonna make it, I'm gonna stay alive. Raphaël, Eyes on the Island, et nous, on a les yeux rivés sur le micro jaune de Raymond Poulidor dans ce studio sur France Inter. Donc c'est Poulidor, parce que vous avez dit Poulidor. J'ai prononcé la Johnny Hallyday, c'est Raymond Poulidor. Et nous avons une belle équipe, Samir Boisdi, Hippolyte Girardot, et c'est à son tour, attention. Lui, voilà, c'est parfois le moment, il s'échappe. C'est vraiment, il est incontrôlable, oui. Un peu comme vous, sur les premières courses. C'est Guillaume. Oui, alors moi je vais vous parler démocratie aujourd'hui, parce qu'elle est en danger, figurez-vous. L'extrême droite est aux portes du pouvoir, mais rassurez-vous, un homme se dresse face à la barbarie annoncée. Cet homme, vous le connaissez, Jean-Christophe Cambadélis. Ça va ? Vous êtes rassuré ? Comment ça se passe ? Non, mais attendez, on peut lui faire confiance à Cambadélis. C'est même un mec qui a été condamné dans l'affaire de la MNEF en 2006 pour abus de confiance. Donc la confiance, voilà. Il connaît Jean-Cri-Cri. Hein ? Et alors, qu'est-ce qu'il a fait pour lutter contre le Front National ? Eh bien, il milite pour une politique de redistribution des richesses. Mais non, je déconne, là, faites pas cette tête-là. Faut bien rire de temps en temps un petit peu. Mais non, il fait un référendum. Bim ! Faut pas l'emmerder. Jean Cri-Cri. Alors, je suis allé hier à la rencontre des militants PS qui organisaient cette votation. Il y avait même des conseillers régionaux. Par exemple, Pierre Canuti, élu PS d'Île-de-France. Première question, qui a le droit de voter ? Tous les citoyens électeurs en Île-de-France peuvent voter. Mais alors, attendez, parce que techniquement, moi, je comprends pas comment ça se passe. Parce que vous demandez pas les papiers d'identité aux gens. On n'a pas le droit de demander les papiers d'identité aux gens parce que c'est pas... un vote comme une élection pour élire des gens. Alors comment vous pouvez savoir, par exemple, qu'ils ne sont pas mineurs ? Parce qu'on leur demande, et que de toute façon, ça ne s'adresse pas aux mineurs, ça s'adresse aux électeurs. Ah oui, mais si vous ne vérifiez pas ? Les mineurs ne viennent pas. Les mineurs ne viennent pas parce que... Comment vous pouvez savoir ça ? C'est parce qu'ils sont pas là. Voilà, en effet, assez logique. Alors, heureusement qu'il est pas douanier, en fait, Pierre. Hein, que... Bah, vous voyez bien, il n'y a pas de terroristes, ils sont pas là. Hein, donc c'est bon, il n'y a pas de problème. Ah, d'accord, on les verrait s'ils étaient là. Bon, alors là, c'est des mineurs, effectivement. Alors, je parle des mineurs, des personnes de moins de 18 ans, hein, bien évidemment. Les mineurs qui travaillent dans les mines, il n'y en a plus en France. Le socialiste François Mitterrand les ayant tous fait crever dans les années 80, comme vous le savez. Bon, en tout cas, il n'est pas hyper verrouillé, ce scrutin. Pas de carte d'identité, donc possibilité d'aller voter plusieurs fois avec plusieurs noms différents, n'est-ce pas, Pierre ? Je pense que vraiment, les gens ont autre chose à faire que de faire des manœuvres un petit peu basses pour trafiquer un vote. Vous faites confiance à vos adversaires politiques ? Mes adversaires politiques, ils sont à droite. Donc vous leur faites confiance ? Je fais jamais confiance à la droite. Ah bah c'est dommage parce que c'est pas le genre de la droite hein, de bourrer des urnes, bien sûr. Donc résumons, ils savent que leurs adversaires ne sont pas honnêtes, mais ils ne prennent pas les mesures de sécurité nécessaires. Bon, en même temps, heureusement qu'on pouvait voter 40 fois, hein, parce que comme on l'a rappelé, ça se bousculait pas devant l'urne. Je suis même allé directement dans une fédération socialiste, et c'est vrai que bon, il y avait autant de monde que dans une charcuterie pur porc à Islamabad. Est-ce que cette militante était quand même confiante ? Ah, on est très très confiante, là, vous voyez, il y a quelques personnes dans la fédération. Et oui, il y a au moins... Enfin, pouf. Non, mais il y a un petit flux continu qui va arriver. Oui, un petit flux continu qui va arriver, bien sûr. Allez, on reprend un petit Lexomil et puis on se motive, on y croit. Hein, c'est comme la croissance, comme l'unité de la gauche, ça va arriver. D'ailleurs, concernant le vote en lui-même, c'était bien cette question de l'unité de la gauche hein, qui était posée. Et ce qu'il fallait répondre était d'ailleurs marqué en gros sur l'affiche devant l'urne. Oui. Alors, allons voir une candidate PS au régional à Paris, Pauline Joubert. Est-ce que c'est bien démocratique, ça ? Je comprends pas le sens de votre question. Ce qui est voté, c'est qu'on dit voilà. Ce qu'il faut voter, c'est oui. Et c'est marqué en gros sur l'affiche. Non, on demande si les gens souhaitent l'unité de la gauche et des écologistes. Ouais, enfin, sur l'affiche, c'est quand même marqué en gros oui à l'unité. Ah oui, parce que la position du Parti Socialiste, c'est oui. Mais ah, voilà. Après, sur le bulletin, voilà la position du Parti Socialiste sur l'affiche. Sur le bulletin, on vous demande ce que vous vous en pensez. Oui, alors c'est vrai que sur le bulletin, il y avait une petite case où on pouvait effectivement voter non, mais devant plein d'affiches avec un gros oui. Donc, il y avait une petite pression, d'autant qu'il n'y avait pas d'isoloir. Et alors, vous voyez, on dit que le PS n'est plus de gauche, mais c'est faux, parce que ça, ce sont des méthodes staliniennes. Eh ben oui, c'est gauche, hein. D'ailleurs, le résultat annoncé au référendum, il est stalinien. 89%. Bam. Et s'il y a une chose qu'on peut pas reprocher à Joseph, c'est bien sûr d'avoir fédéré la gauche soviétique. Donc, vous voyez, c'est logique. D'ailleurs, allons voir un vieux militant PS. Comme je vais avoir 60 ans de Parti Socialiste l'année prochaine, j'ai toujours été discipliné. Vous avez connu le Parti Socialiste quand il était de gauche, alors ? Je l'ai connu à tout moment, quand il était fort, quand il était faible. Et mais j'ai remarqué une chose dans ces moments-là, c'est qu'il avait toujours raison. Voilà, un petit peu d'objectivité, ça fait pas de mal. C'est un spécialiste en la matière qui vous le dit. Bon, dans ces conditions, la seule question qui s'impose, c'est la suivante. Quelle valeur peut bien avoir ce référendum ? Réponse avec un dernier militant. Il y a la valeur que chacun veut lui donner. Ouais. Si, il en a. Après, avec le principe, voilà, que ça repose aussi... sur la confiance. Quoi. Voilà la fameuse confiance dont je vous parlais au début. L'extrême droite est donc aux portes du pouvoir et Jean-Christophe Cambadélis a pris soin de mettre un petit paillasson sur le seuil pour que le FN s'essuie bien les pieds. Vous l'avez reconnu ce paillasson, mais oui, il s'appelle le Parti Socialiste. Guillaume Meurice, voilà, sur France Inter. Il est facétieux, n'est-ce pas Raymond Poulidor ? Oh, c'est étonnant. Hein. Ben, c'est sûr. Mais en 58, De Gaulle a fait mieux que ça. Ah. Oui. Le référendum, moi j'étais en Algérie. J'étais chauffeur de la Légion. et j'étais enfin chargé d'aller recruter les votants et les votantes qu'on allait chercher dans les mèches là. Ils savaient ni lire et écrire, alors ils avaient un seul bulletin, oui. Ah oui, c'est encore plus pratique. Oui, oui. 99% il a fait. Ah bah ouais, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Écoutez, quel est le maladroit qui a voté à côté? Parce que oui, mais ça, c'était du référendum. C'est peut-être de Gaulle. C'est peut-être lui. Vous allez, nous sommes en compagnie de Raymond Poulidor jusqu'à 18h qui publie Champion au Cherche Midi. Et on va aborder le deuxième sujet de cette émission avec vous. Une enquête relayée par Libération démontre comment, en très peu de temps et sans qu'on s'en émeuve, l'argent est devenu une pièce majeure du système éducatif. Le symbole en est l'EDEC, l'école de commerce, facture pour 3 ans d'études, 45 000 euros. Il fait donc bon aussi y enseigner. Est-ce que vous tenez beaucoup à rester dans l'enseignement ? Rester dans l'enseignement, mon Dieu. Oui, madame. Eh bien, la situation que monsieur va peut-être vous proposer vous permettrait de gagner davantage. Pas beaucoup plus, mais un peu plus. Oui, un peu plus. Je pourrais vous donner un fixe, plus une prime sur toutes les affaires. Vous feriez en moyenne 40 000 francs. Par mois ? Oui. Pour moi ? Oui. Pour des leçons de quoi ? Des leçons de commerce, sans doute. Raymond Poulidor, je sens que vous cherchiez d'où vient l'extrait. C'est Fernandel dans Topaz, évidemment, de Marcel Pagnol. Alors, donc, je vous résume rapidement. Dans Libération, il y a une double page, une interview d'un certain Arnaud Parianti qui publie un livre qui s'appelle School Business aux éditions La Découverte et qui explique voilà, que, qu'en très peu d'années et sans que personne s'en émeuve, l'argent domine le système éducatif et notamment ces écoles de commerce qui coûtent très très cher. Et plus il y a de débouchés dans un secteur, plus les écoles font monter les prix. Alex Vizorek, vous qui vous êtes plongé dans le livre de notre invité, Raymond Poulidor. Alex Vizorek, vous qui avez fait une école de commerce. Mais oui, aussi, c'est vrai. Et c'est vrai qu'en Belgique, bon, c'est au sein de l'université, c'est-à-dire que c'est au sein de la fac, donc vous pouvez payer le même prix pour faire prof de gym que pour faire école de commerce. C'est beaucoup plus démocratique. Et Raymond Poulidor, vous, vos parents n'avaient pas les moyens de vous faire faire des grandes études, comme on dit. Oui, enfin, des grandes études. Moi, j'ai quitté l'école à 14 ans. Mais vous étiez bon élève. J'étais bon élève, ça me plaisait. Et le lendemain de mon certificat d'études, je suis revenu à l'école pour continuer. Mon instituteur m'a fait comprendre, non, c'est fini maintenant l'école. Puisqu'en ce moment-là, fallait payer les études et tout. Et puis mes parents n'avaient pas les moyens. Et après, bon, ça a été une tare pour moi. Puisque après, moi j'ai pris le train. La première fois que j'ai pris le train, j'avais 20 ans. J'étais jamais sorti de la maison. Et je remercie beaucoup le vélo, ma réussite dans le vélo. Ça a été une réussite au point de vue intellectuel et tout, un enrichissement terrible avant l'enrichissement, question argent. Mm-hmm. Puisqu'à ce moment, on gagnait bien la vie, mais ça n'avait rien à voir avec les sportifs de l'époque de maintenant. Mm-hmm. Et alors, vous racontez que, en fait, vous êtes trois frères, que les deux premiers reçoivent un vélo, et que vous êtes le plus jeune, et on dit, non, on n'a plus trop d'argent. Et qu'en fait, après, c'est vos frères qui se disent que c'était vous le meilleur, et ils travaillent plus au champ pour vous donner le temps de vous entraîner. Et donc, on se retrouve dans l'optimalisation de l'aboutissement, comme vous disiez. Que L'optimisation, vous voulez dire c'est-à-dire que vous dites que plus on a des débouchés, plus on paye. Et ici, ils se sont dit, là, il y a un gros débouché, lui, il va être champion et nous pas. Oui, mais bien sûr. Et puis, c'est des petits malins, quand même. La maman avait un vélo. Et on était à la campagne, et le principal moyen de déplacement, de locomotion, si je peux dire ainsi, c'était le vélo. Alors, on se déplaçait à vélo, il y avait énormément de courses, on appelait ça les courses sauvages. On pouvait participer à 14, 15 ans et courir avec des hommes de 30, 40 ans. Bon, il y avait un jambon à l'arrivée, une bouteille de Pernod, je m'excuse de faire la publicité. c'est comme ça. Et puis, il y avait des courses régionales et quelquefois, avec le vélo de maman, j'accompagnais celui qui avait gagné la course. Puisqu'il avait le sac tyrolien, le bouquet de fleurs, et puis j'étais fier à côté. Et puis je me découvrais des qualités, puisque quand ça montait, j'avais pas de derrière, bien sûr, quand ça montait, j'ai dit, tiens, mais ils sont plus là. j'avais du mal à les suivre. C'est ça, le talent. Hein. Et ouais, j'ai toujours lu les débuts de Fausto Coppi. Ah ouais. Fausto Coppi, qui a été un des plus grands champions, un grimpeur hors norme, qui habitait à Novi-Ligure, et tous les jours, il descendait faire ses courses avec un vélo qui faisait peut-être 15, 17 kilos, et il montait le col d'une dizaine de kilomètres tous les jours avec la nourriture et tout, les poids énormes. Et un jour, il double un peloton de coureurs cyclistes qui venaient de faire le tour d'Italie. Ils ont dit, mais c'est pas possible. J'adore. Et c'est là qu'on a découvert les qualités. Le prochain vainqueur du Tour de France est au but de Chaumont avec un Vélib. Mais je peux vous dire que lui, il va l'avoir je pense qu'il est à la pharmacie. Mais pourquoi pas. Bien sûr. Je crois savoir que votre maman ne voulait pas, c'est ça? Elle avait peur? Elle ne voulait pas, puisque mes deux frères déjà faisaient de la compétition. Ouais. C'était dangereux. Et puis, il y avait les travaux de la ferme. Il fallait travailler à la ferme. Je pense qu'on a bien approfondi ce sujet. On revient toujours à relier. Je vous renvoie à l'édition de Libération d'aujourd'hui parce que le sujet est très intéressant. Samir Bouadi. Oui. Oh, parlez-nous un peu de sport aussi, à côté de Raymond Poulidor. À côté de Raymond Poulidor, c'est très impressionnant. Donc, je n'ai pas voulu parler de vous, monsieur, parce que ça ne sert à rien. L'hommage est permanent. Diffus. Le monsieur me va très bien. Grand maître. Non, je vais vous parler un peu de volley. Hein. Vous savez tous ce que c'est que le volleyball. Hein. Je ne vais pas expliquer les règles. Hein. Ben, rappelons simplement que c'est un des rares sports collectifs où l'on joue sans contact avec l'adversaire. Donc, déjà, là, ça vous calme tout de suite. Déjà, c'est une réflexion brillante. Hein. Alors, donc, vous n'êtes pas sans savoir que l'équipe de France de volley est devenue championne d'Europe dimanche en battant la Slovénie. Alors, le point du match a été marqué par un certain Ervin N'Gapet. Alors, c'est lui dont j'aimerais parler. Il a 24 ans. Il est le fils d'Eric N'Gapet, lui-même ancien international de volley. Qui a appelé Poulidor, son fils. Voit très bien qui c'est. Absolument. Son entraîneur. Absolument, c'était son entraîneur. Monsieur Gapet, qu'on l'appelle. Absolument. Et alors, figurez-vous que ce monsieur a appelé son fils Ervin en hommage à Ervin Magic Johnson. Eh oui. Et donc, Ervin, dimanche, fait gagner la France sur un geste de basketteur, figurez-vous, en effectuant une sorte de dunk dos au filet. Alors un dunk, c'est quoi? C'est un smash, un point barre, c'est pas la peine d'employer des mots compliqués, tout le monde suit. Donc bien, donc Ervin N'Gapet. Pour parler de lui, il faut s'armer de superlatifs, paraît-il. J'ai un peu enquêté avant d'écrire cette chronique, il y en a qui bossent. J'ai passé oui, c'est surprenant que ce soit vous. C'est moi, c'est la première fois, donc je suis assez fier de l'annoncer. J'ai eu peur. Alors j'ai appelé des vrais journalistes sportifs, Lionel Rousseau, et j'ai aussi contacté un ancien joueur de voler un très grand joueur qui est néanmoins un bon ami, Xavier Richefort, un bel homme. On l'embrasse. Dans la force de l'âge, et bon camarade, dont la démarche chaloupée fait penser à celle d'un John Wayne, qui aurait des problèmes d'équilibre, sans doute liés à une oreille interne défaillante à cause d'une pratique onanique exagérée, compte tenu du temps que ça prend et du plaisir qu'on en retire. Bref, ceci est une autre question. Oui. Bref, mon ami Xavier Richefort. Vous laissez entre mecs, Non, c'est beaucoup alors, moins bien. À la question, est-ce que cette Ervin N'Gapet est bon? Il m'a répondu oui, mais presque en hurlant au téléphone. Alors, il paraît que c'est un joueur extraordinaire. On peut parler de talent pur, semble-t-il. Il est capable de gestes incroyables. Il peut aussi officier en tant que meneur d'hommes sur le registre du charisme. Bref, ce jeune joueur a tout pour lui. C'est une sorte de Nicolas Anelka dans la décontraction, mais aussi il y a du Tony Parker chez lui, surtout dans ses choix musicaux. D'ailleurs, il imite un peu la star des Spurs en chantant lui aussi, et ça donne ça. Tu mouilles le maillot, c'est l'équipe de France de volley comme y'a. Personne nous suit depuis Alors chacun se passe son avis quant au talent du rappeur du bonhomme. Moi je suis pas Yann Moix, donc je vais pas faire une critique sémantico-rythmique de l'œuvre. Ceci dit, dans son texte, il fustige les médias absents, ceux pour qui le volley est un sport mineur. Alors rappelons qu'Ervin a beaucoup de caractère et qu'en 2010 par exemple, il est à l'origine d'une sorte de brouille en équipe de France. Bon, il sera écarté, il reviendra et depuis son état de grâce est permanent. Il réussit en ce moment ce que peu de joueurs de foot ont réussi, à savoir exister, imposer un esprit rebelle sans faire exploser le groupe. Alors il a sans doute pas la grosse tête d'un footeux, vous me direz, et je théorise, mes chers amis, que la taille de la tête d'un joueur de foot est proportionnelle au montant de ses émoluments. En d'autres termes, Ervin N'Gapet est un joueur de son temps, un jeune de son temps, un peu caractériel, très talentueux et qui vient de faire gagner l'équipe de France. Dans le même temps, les garçons polis du rugby ont pris une bonne grosse fessée, mais on a dit qu'on n'en parlerait pas. Si, on va peut-être en parler pour dire que le traitement médiatique de cette défaite n'aura pas profité aux jeunes gens du volley. C'est ainsi, le volley est un sport pratiqué par des anonymes. Hein. On s'en fout, on s'en fout, on s'en rugby, on s'en rugbat les parties, on s'en tape le coquillard. Et c'est presque dommage. Tiens, nous sommes des suiveurs, nous finalement que des suiveurs, nous regardons là où on nous demande de regarder. Et quand on prend la peine de désobéir de temps en temps, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses à voir. Pourquoi l'équipe de France de volley, par exemple, s'appelle la team Yavbou? Et oui, Yavbou. Ils se sont auto-déclarés, auto-intitulés, auto-nommés les Yavbou. Ça vient de Bouyave, C'est classe, hein ? Terme élégant pour désigner l'acte charnel pratiqué de façon quelque peu salace. Voilà. Ben oui, hein, si le volet foire sa médiatisation, il s'en perd pas pour autant. C'est les valeurs jeunes et neuves de jeunes gens dont le vocabulaire renvoie à une lecture quelque peu burlesque, on va dire, du monde. Hein. Et quant à Erwin N. Gapet, on lui souhaite de trouver les mots justes pour nous donner envie de regarder du volet, quoi. Merci Samir Bouadi, qui s'intéresse au sport, mais aussi qu'on peut retrouver sur les planches, oui, dans le CV. Absolument, du jeudi au samedi, au Petit Palais des Glaces à 20h. Venez nombreux. Voilà. Nous sommes toujours avec Raymond Poulidor qui publie Champion au Cherche Midi. On va reparler de sport avec vous tout de suite, Raymond Poulidor, parce qu'apparemment, c'est très très grave ce qui s'est passé à Cardiff samedi soir. J'ai pas tout compris, mais c'est grave apparemment. Hein, ce matin, c'est dans triste. La presse, il paraît que c'est parti pour des générations de débâcles dans le rugby français. C'est ce que j'ai lu dans la presse. Alors voyons ce qui s'est passé avec notre consultant Bernard Laporte. Alors Bernard, qu'est-ce qui s'est passé? Oh ben, l'analyse est simple, je crois qu'on a pris des essais au plus mauvais moment. C'est-à-dire tout au long du match, de la 4e à la 80e minute, tout le temps, sans arrêt, dans tous les sens, entre les poteaux, sur les côtés, avec course 40 mètres, avec course 90 mètres, en riant, les mains dans les poches. Bon, voilà. C'est à peu près ça. Hein. Raymond Poulidor, est-ce que vous pourriez m'expliquer à moi qui n'y connais rien en rugby, mais c'est très grave ce qui s'est passé samedi soir contre les All Blacks alors? C'est grave, c'est oui, l'ampleur du score qui est grave. Oui. Mais moi, j'ai pas été surpris. Hein. Ah. J'ai pas été surpris. Ah bon, ceux qui suivent bien le rugby n'ont pas été surpris. Puisqu'ils seraient tombés sur une poule, la poule de Pays de Galles, oui, d'Irlande, ils auraient pas passé. Quand vous dites poule, elle voit pas exactement. Mais alors, si tout le monde le savait, pourquoi ce matin dans la presse on dit humilié, débâcle, oui, désastre, et tout le monde se saute dessus? On a toujours un petit espoir. Il y a de nombreuses années qui n'ont aucun résultat dans le tournoi des Six Nations. Et puis, il faut arrêter, la fédération devrait se pencher. Nous sommes les meilleurs. Les clubs 14 sont les meilleurs. Mm-hmm. Ils sont champions d'Europe. Ouais. Ils gagnent tout. Mais avec quel joueur? Des étrangers. Qui viennent de l'Afrique du Sud. C'est ça le... Vous prenez Toulon. Oui. Celui qui a marqué un essai terrible. Il est à Toulon. Ah bon? Et oui. Alors, mais je comprends tout avec vous, Raymond. On a des bons joueurs. On est bons joueurs. Mais il faut savoir que les All Blacks, chez eux, c'est une religion. Ils jouent toute l'année ensemble, toute l'année ensemble. Ouais. Nous, le calendrier du top 14 est trop important. Disons que c'est un foot à la Nouvelle-Zélande, quand les, même. Les joueurs sont fatigués. Il y a aussi une hiérarchie du rugby. Vous avez été grand en rugby des Français, comme vous avez été grand en cyclisme. Et aujourd'hui, ça manque d'un grand coureur cycliste qui peut gagner le Tour de France. Il n'y a plus ça. Oui, mais il y a quelques années, on était les meilleurs. Ah oui. On était oui. les meilleurs en rugby. Mais quand j'entends, qu'on en a pour plusieurs générations, je ne pense pas. Ah, bon. Ça peut changer. Alors moi, je dis Raymond Poulidor, conseiller technique l'équipe de France de rugby. Et ce sera réglé. Raymond Poulidor, on a une proposition à vous faire. Tous les jours, on propose un sketch à notre invité. Donc, je vous donne un rôle qui consiste à être avec Guillaume Meurice, syndicaliste. Rassurez-vous, il n'y a pas de drame. Je vous sens inquiet, mais soyez pas inquiet, tous les invités s'en sont sortis. Vous êtes en jaune. Et donc, nous sommes au dialogue social et le problème, c'est évidemment la traduction. Charline va traduire ce qui se passe entre les syndicalistes, Guigui et Poupou, et François Hollande, que je vais faire moi-même. Alors, que les choses soient claires, Poupou et moi, on n'est pas d'accord avec vous, hein Poupou? Poupou, vous êtes là Poupou, regardez. Exact, Kiki. On est pas d'accord. Kiki, mais vous pouvez m'appeler Kiki. On n'est pas d'accord. On est d'accord juste pour dire culé de politicard. Alors, le représentant syndical tient à vous signifier son mécontentement. Oui. Il pense que vous pourriez avoir recours à une forme de sexualité anale. Voilà. Oui, je répondrai essentiellement à la première partie de la réflexion. Je comprends votre mécontentement et je vais, en concertation avec le gouvernement, agir en conséquence. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Alors, ce que veut dire précisément Monsieur le Président, voilà. C'est-à-dire qu'il s'en bat les steaks de vos préoccupations. Hein, ouais. Il aime l'entreprise. Voilà, oui, merci pour l'honnêteté. Ben, vous pouvez lui dire que la prochaine fois, c'est pas que je vais pas lui serrer la main, la prochaine fois c'est ma main dans sa gueule, hein Poupou? Ah oui Kiki. Guigui, mais c'est pas grave. Si tu vas le premier, j'y vais en deuxième. Toujours deuxième Poupou, bon traduisez-lui. Voilà, Monsieur le Président, oui, c'est sauvage, vous menace de représailles dans le cas où vous n'agiriez pas en leur faveur. Voilà. Mais je comprends et sachez que dans la mesure de nos possibilités, nous ferons notre possible pour défendre le prolétariat. Bon alors là il dit que franchement ce serait un sacré coup de bol qu'il reste de l'argent pour trouver une solution. Mais c'est bien ce que je pensais, on va tout mettre à sac, on va retourner toute la France, on va faire entendre la voix des travailleurs, voilà. On va faire une deuxième révolution, n'est-ce pas Poupou? Deuxième c'est une bonne place, allez. On va la préparer. Tu vas voir, le peuple vaincra. Qu'est-ce qu'il dit? Rien, il a dit qu'il allait retourner à la permanence syndicale, voilà. Boire un petit coup de rouge et se calmer, voilà. Parce que demain, ils ont un congrès pour décider de l'organigramme de leur syndicat. Parfait, moi j'aime le dialogue syndical. Mais vous êtes un syndicaliste de première main. J'ai pas fait une faute, là, il fallait pas dire Guigui. Mais oui, c'est pas grave, c'est un rigolo. Ça me va bien comme surnom. Raymond Poulidor dans le rôle du syndicaliste. Et Raymond Poulidor, merci beaucoup d'être resté avec nous. C'était un honneur pour nous de vous avoir à cette table ronde de négociation de dialogue social. On rappelle le monologue que vous publiez au Cherche Midi, le livre. Les amateurs de vélo, vous y retrouverez. Un champion Raymond Poulidor. Oui, Alex, vous avez dévoré Moi, j'ai passé un bon week-end. Je vous le dis comme c'est. Merci, c'est bien. Vous n'êtes pas sérieux, mais vous faites une émission sérieuse. C'est tout l'objectif, vous avez tout compris. Ben voilà, c'est ça. Merci beaucoup Raymond Poulidor. Merci à Hippolyte Girardot, merci Guillaume Meurice, qu'on retrouvera bien sûr demain. Merci Samir Boidi, Alex Vizorek, que vous pouvez retrouver aussi ce soir, tiens, au studio des Champs-Élysées, tant qu'on y est. Hein. Faut y aller. Voilà, et en attendant que vous montiez sur scène, prenez champion au Cherche Midi. Raymond Poulidor sous le bras pour partir. Allez, on se retrouve demain, et le mot de la fin, on va le laisser bien sûr au dialogue social. On se calme, on se calme, on